cours numéro 5. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhadna fi d-dars al-sabiq al-mithal al-thalith. Le dernier cours, on a étudié ensemble le troisième exemple que Cheikh Abdurrahman al-Sa'di rahmatullah alayhi l'a cité. Fama hu? Fadal? Al-Ijtima'. Al-Ijtima' ala mada? Na'am. Se rassembler sur le haqq. Et c'est quoi le haqq? Al-Qur'an wa sunnah ala fahmi salaf al-umma. C'est ça le haqq. Et c'est sur ça qu'on doit se rassembler. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Et on avait détaillé ensemble ce point important. On avait cité les causes qui poussent à la division. Tadkuro? Al-Kibr. Na'am. Al-Kibr, ça pousse à la division. Il y en a chacun, il s'entête, il ne veut plus écouter l'autre, il n'accepte plus le haq de l'autre et ça divise. Et on déduit de ce point at-tawadhu, la modestie, c'est une des causes pour se rassembler. Accepter le haqq, ne pas s'enorgueillir, wa l'ayadu billah. Zed, un autre point. Ahlul bid'a wa dhalal. Na'am. Ils divisent. Les ma'adha, les annahum, ils appellent au batil. Et forcément, un groupe de cette communauté, ils sont sur le haqq. Donc, il y aura une division entre Ahlul bid'a et Ahlul haqq. Zed. Hein? Al-Ghulu, Ahsand. Al-Ghulu, كذلك, c'est une cause de division. لماذا؟ لأن هذا الدين il est واضح. دين الوسط. Celui qui exagère, forcément, il ouvrira un bab de dhalal, une porte d'égarement, et il divisera. لأن ceux qui n'exagèrent pas, ils ne seront pas d'accord. Et s'ils s'entêtent dans son égarement, dans ce ghulu, dans l'exagération, ça causera de la division. Et on avait cité d'autres asbab, at-ta'assub, at-taqlid, ittiba' al-hawa. Tout ça, ça pousse ou ça provoque de la division au sein de la communauté. Amma l'ittiba', et suivre le Coran et le Sunna, la modestie, revenir à ahl al-ilm, suivre les preuves du Coran et de la Sunna, tout ça, ça pousse la communauté à se réunir autour des mêmes fondements, le Coran ou la Sunna. Enfin, notre dîn, c'est un dîn de ijtima'. C'est pas un dîn qui appelle à se diviser, à se détester entre muslimines. Abadan. C'est un dîn qui nous appelle à nous rassembler, lakin ce rassemblement, il doit être autour des mêmes fondements. On ne se rassemble pas sur les passions. Là, on se rassemble لأنه c'est un amr min Allah Azza wa Jalla. Allah nous a ordonné. Il nous a ordonné de nous rassembler autour du Coran et de la Sunna. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Et ça montre les bienfaits de notre dîn. لأن une communauté qui est rassemblée, c'est une communauté qui est forte. C'est une communauté qui se respecte. C'est une communauté qui s'aime fi Allah. Et ça montre les bienfaits de ce dîn. Il appelle à se rassembler autour du Coran et de la Sunna. Qala al-Sheikh Sa'di, à la fin du al-Mithal al-Thalith, qu'on a lu ensemble dans le cours précédent, yazidu hadha bayanan wa idhahan al-Mithal al-Rabi'. L'exemple, le quatrième point qu'on va lire ensemble aujourd'hui, il va détailler le troisième point. Li'anna al-Ijtima', c'est une rahma. Le quatrième point, vous allez voir qu'il va beaucoup parler de ar-rahma, ou al-ihsan, ou al-afu. Et une communauté qui est rassemblée, c'est une communauté qui va tataraham baynaha. Et un groupe qui est divisé, il n'y aura plus de rahma entre eux. Et en hada yat'an fi hada, et hada, il déteste hada, et hada, il veut du mal à hada. Donc, Cheikh Sa'di rahmatullah alayhi, il fait le lien entre le troisième et le quatrième exemple. Qala yazidu hada bayanan wa idahan al-mithal al-rabi'. Qala inna din al-islam dinu rahmah wa barakah wa ihsan. Notre din, c'est un din de rahmah. Rahmah, c'est ma'rouf, indakum, la miséricorde. Et nous, on citera le mot en arabe, rahmah. Wa barakah, thubut al-khayr al-ilahi fi shay. Allah subhanahu wa ta'ala, il met du khayr dans une chose. Fahada din, c'est din al-rahmah et al-barakah. Allah subhanahu wa ta'ala, il te récompense par rapport à tes œuvres. Bel, il multiplie les récompenses. Chaque œuvre, elle est multipliée par 10. Ça peut aller jusqu'à 700, comme a dit Afil Hadith. Et Siyam, ça peut aller encore plus. Tout ça, c'est min barakat hadad din. Min barakat hadad din, kadalik, an al insan, probablement, il fait des œuvres qui ne sont pas nombreuses. Il a une durée de vie qui est très courte. Lakin, il est sincère. Il suit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fassi, il meurt. Ala hadha al-hal, ala al-ikhlas wa sunnah, il fait partie de Ahl al-Jannah. Et il bénéficiera de hadha al-fawz al-azim. Jannatul khuld. Ça, c'est min al-baraka. Kadhalik, Allah subhanahu wa ta'ala, il met de la baraka fi hayat al-mu'min, dans son risque. Il a peu, lakin, ça lui suffit. Il met de la baraka fi awlade. Il met de la baraka fi ilmih. Contrairement à ceux qui ne sont pas musulmans, al-kuffar, ils n'ont pas de baraka. Ils vivent comme al-hayawan. Bal hum adallu sabila, kama akhbar Allah azza wa jal. Ils n'ont pas de baraka dans leur temps. Ils n'ont pas de baraka dans leur amal, dans leur mal, dans leur argent. Ils n'ont pas de baraka dans leur vie. Ils vivent comme des animaux. Na'oud billah min dhalik. Et si ils meurent à al-kuffar, ils ont le châtiment pour l'éternité. Aucune baraka. La fi dunya wa la fi l'akhir. Qala wa ihsan. Kadalik, notre din, c'est un din de ihsan. Kataballahu al-ihsan fi kulli shay. Qala wa hatha ala manfa'ati naw' al-ihsan. Naw' al-insan. Fama alayhi hadha al-din min al-rahma wa husn al-mu'amala والدعوة أو الدعوة إلى الإحسان والنهي عن كل ما يضاد ذلك هو الذي صيره نورا وضياء بين الظلمات الظلم والبغي والسوء المعاملة وانتهاك الحرمات. دين عظيم, دين الرحمة, حسن المعاملة, avoir un bon comportement, être juste في المعاملة. Al-mu'amala, ça peut être le commerce, ça peut être le mariage, ça peut être les liens avec ton voisin. Al-muslim, il a du ihsan fi had. Il est juste, il n'est pas injuste. À chacun, il donne son haq. Il ne ment pas, il ne vole pas, il n'insulte pas. Il n'est pas injuste, abadan. Et son comportement, son bon comportement, ça va être une da'wah. Et ça, c'est important. Il y en a. C'est pas tous les musulmans qui peuvent faire da'wa bil-ilm. Lianna, c'est pas tous les musulmans qui sont à l'ilm. Bel, akthar al-muslimin, ils ont pas beaucoup d'ilm. Et ils peuvent pas faire da'wa avec l'ilm. Lakin, le bon comportement, husn al-mu'amala, être juste, avoir de la rahma, fahada, c'est min a'zam, wasa'il pour faire da'wa. Et Al-Qarib ou Al-Ba'id, il sera touché par ce comportement. Fakam minan nas dakhalu fil islam. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu husn al-mu'amala. Ils ont vu an al-islam, c'est un din qui te rend meilleur. Il rend fi hada din. Il y en a voyé que ce musulman, il est juste. Il a Allah rahma. Il n'est pas injuste. Il essaye de faire le bien. Il s'écarte du mal. Ça le rend meilleur. Et ils ressentent qu'il a une vie, elle est meilleure que la leur. Allez, ils s'intéressent à ce type. Amma, l'il asaf, بعض المسلمين يفون دو مال او الدين سان سان روند كونت سان سان روند كونت ربما يفول يمون il a un mauvais comportement, il est injuste, il parle très mal. Celui qui voit son comportement et comment il n'est pas attiré par ce din qui suit. Mais un din, il n'appelle pas ces choses. Lakin, on a une responsabilité en tant que musulman et en tant que talib ilm, akthar. Donc on fait des efforts fi had al-bab. قال والنهي عن كل ما يضاد ذلك هو الذي صيره نورا وضياء بين ظلمات الظلم والبغي. C'est ça qui fait de notre din que c'est un din عظيم. Notre din c'est un din عظيم et il a des bienfaits كثيرة que Cheikh Abd Rahman cite dans cette risala et autres. C'est fondé sur l'adl, c'est fondé sur l'rahma, c'est fondé sur l'haq, c'est fondé sur aimer le mu'minin, détester le kafiri. Aimer le haq, détester le batil, appeler au bien, vouloir du bien aux autres. Qala wa su'ul mu'amala wa intihak al hurumat. Yaqulu Allah azza wa jalla, on cite quelques adilla pour appuyer hada al kalam. Yaqulu Allah azza wa jalla fi kitabihi al karim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hada al rasul que Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé pour guider les gens. C'est une rahma. L'il-alam. C'est une rahma pour jami' al-nas. Pour jami' al-alam. Pourquoi? L'anna hada al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il appelle au haq. Hada al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il appelle à la justice. Hada al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il appelle à la rahma. Hada al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à chacun, il a donné son haq. C'est un nour, c'est une lumière, alayhi sallatu wa sallam. وقال عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. C'est une rahma pour les mu'minins. Ceux qui le suivent, ils sont sincères. Ils font partie de Ahl al-Jannah. Ceux qui ne croient pas en son message, et ils le détestent, et ils se moquent de lui, كحال الكفرة, ils font partie d'Ahl al-Shaqawa, min Ahl al-Nar, ou al-Adab. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kullu ummati yadkhuluna al-Jannah illa man aba. Toute ma communauté rentreront fil Jannah, sauf celui qui refuse. Qalu wa man ya'ba, ya Rasulallah. Qui est-ce qui refuse, ya Rasulallah? Naam, on peut se poser cette question. Qui c'est qui va refuser de rentrer fil Jannah? Qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man ata'ani dakhala al-Jannah. وَمَنْ عَصَانِ فَقَدْ أَبَى. Celui qui me suit, qui m'obéit, il rentrera fil jannah. Celui qui refuse de m'obéir, de me suivre, فَهُوَ il a refusé, il rentrera pas fil jannah. لِمَاذَا لِأَنَّهُ il suit pas هذا الرسول. فَسَيْنَ رَحْمَة. C'est une rahma pour l'alamin. Il a appelé au bon comportement عليه الصلاة والسلام. بُعِثُوا لِأُتَمِّمْ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Il est envoyé pour parfaire, pour démontrer les bons comportements. Naam. Et celui qui médite sur hal an-nas avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fa ils étaient fi dhayq wa inhiraf wa dhalal. Fa Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a démontré at-tawhid awwalan. Ils se sont écartés de l'adoration des idoles. Ça leur faisait que du mal. Une personne, pendant des années, elle adore un caillou. Elle adore un arbre. Elle adore une statue. Elle adore un mort. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, il leur a démontré « Wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a » Rahma. Rahma. C'était des esclaves de leurs idoles. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bi'idnillahi azza wa jal, il leur a démontré le haq et ils ont été libérés. Ils avaient peur des djinns, ils avaient peur des morts, ils avaient peur de la moindre chose. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Rahma, il leur a démontré que l'ibada c'est haqqun lillah. Et t'as peur que d'Allah Azza wa Jal. Certains d'entre eux, ils ont enterré leur fille vivante. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Rahma, il leur a démontré que c'était min al-zulm. Certains d'entre eux, ils mangeaient la bête morte. Certains d'entre eux, ils buvaient l'alcool nuit et jour. Et ils se faisaient beaucoup de mal et ils faisaient du mal aux autres. Ils n'avaient pas de respect pour le voisin, pour le parent, pour le proche. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a démontré tout ça. C'est ça notre dîn. Dîn, rahma. قال الله جل وعلا كذلك كتب ربكم على نفسه الرحمة من صفات الله عز وجل الرحمة الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم سأرحم الراحمين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش الله سبحانه وتعالى quand il a créé la créature il a écrit dans un kitab que فوق العرش أي عند الله سبحانه وتعالى qu'est-ce qu'il a écrit سبحانه dans ce kitab إن رحمتي تغلب غضبي أو dans une رواية سبقت غضبي La rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle passe avant sa colère. Al-hadith, il est sahih, muslim. Donc, ça nous montre que ce din, il est fondé sur al-rahma, il est basé sur al-rahma. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il aime al-rahma. Et il fait al-rahma. Azza wa jal. Wa an Abi Huraira radiyallahu anhu, aydan qala, qabbala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Al-Hassan ibn Ali, وعنده الأقرع بن حابس فقال إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا النبي صلى الله عليه وسلم إلى embrassé الحسن بن علي الأقرع بن حابس il était avec النبي صلى الله عليه وسلم et il a dit j'ai 10 enfants et j'ai jamais embrassé l'un d'eux فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه وقال صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم متفق عليه celui qui fait pas de rahma aux autres Allah il lui fera pas de rahma c'est important الرحمة بالكبير بالصغير وعن جابر رضي الله عنه أو عن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله متفق عليه Celui qui n'a pas de rahma pour les gens, Allah subhanahu wa ta'ala la yirham. Ben, hadad-din, cette religion, elle nous appelle à avoir de la rahma, de la miséricorde, même envers al-hayawan, et les animaux. Pourquoi? Li'annahu din al-rahma, din al-adl, din al-ihsan, même envers les animaux. An Abdullah ibn Ja'far, رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا لرجل من الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم il était chez un أنصار الأنصار c'est un habitant de Médine فإذا فيه جمل dans cette maison il y avait un chameau et la propriété de ce أنصار فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم حن وضرفت عيناه ce chameau quand il a vu le nabi صلى الله عليه وسلم des larmes elles ont coulé de ses yeux et le chameau quand il a vu le nabi عليه الصلاه والسلام لان النبي صلى الله عليه وسلم c'est une rahma pour l'alamin حتى pour ce chameau فاتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ظفراه فسكت Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a approché de ce chameau et il lui a essuyé ses larmes. Fasakat. Il poussait des cris, ce chameau. Faqala sallallahu alayhi wa sallam, man rabbu hadha al-jamal. C'est qui le propriétaire de ce chameau? Faja'a fata min al-ansar. Un jeune parmi les ansar. Qala li ya rasulallah. Un jeune parmi les ansar. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est à moi, ce chameau. فقال صلى الله عليه وسلم أفلا تتق الله في هذه البهيمة رحمة pour ce chameau il a dit à ce jeune أفلا تتق الله crains Allah عز وجل dans ce chameau أفلا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها نعم c'est Allah سبحانه وتعالى qui t'a facilité qui t'a donné ce chameau il est utilisé pour porter pour se déplacer Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il conseille ce Ansari. C'est une ni'ma. Crains Allah azza wa jal. Fa innahu shaka ilayya annaka tuji'u. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ce Ansari, ce chameau, il se plaint que tu ne lui donnes pas à manger. Rahma, ce din, c'est une rahma. فلا تغتر بأعداء الله. Ils essayent de salir ce din. Ils essayent de démontrer que c'est un din. Il n'y a pas de rahma. Annas, al-muslimoun, c'est des égorgeurs. Ils n'ont aucune rahma pour les enfants, pour les femmes, pour les vieux. La tartar bihada. Ils utilisent le comportement et les faits et gestes de certains égarés pour salir l'islam. Et nous, on répète, anna l'islam, celui qui veut le comprendre, il revient aux sources. Il ne revient pas aux faits et gestes de certains égarés, même si c'est au nom de l'islam. Ça, c'est pas min al-adl, c'est pas min al-haq. Et c'est une minorité. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في شرح الأصفهانية فإن من عرف حقائق أقوال الناس وطرقهم التي دعتهم إلى تلك الأقوال حصل له العلم والرحمة. Ensuite, ce نقل de l'imam ibn Taymiyyah رحمة الله عليه pour te montrer qu'il n'a plus un musulman, il fait des efforts pour l'ilm. Plus son iman y montera, plus il aura de la rahma. S'il connaît aqwal al-nas, wa hal al-nas, et il connaît la ni'ma que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, tout ça bil ilm al-shar'i, il aura encore plus de rahma. Qala, fa'alima al-haq, wa rahima al-khalq. Fa'alima al-haq, wa rahima al-khalq. Il connaîtra al-haq, et il aura de la miséricorde envers al-khalq. Pourquoi ? لأنه, il sait. Il a des connaissances. Ça nous montre أن, le manque de rahma qu'on peut ressentir des fois dans cette communauté, c'est à cause de l'jahl. L'ignorance, ça pousse à exagérer. Et l'exagération, ça peut avoir comme effet un manque de rahma. قال شيخ الإسلام وكان مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهذه خاصة أهل السنة المتبعين للرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم يتبعون الحق ويرحمون من خالفهم باجتهاده. Et ça, ça fait partie des caractéristiques des gens de la Sunna. Tu trouveras ceux qui ont le plus de miséricorde envers le khalq, c'est Ahl al-Sunnah, al-Salafiyyun. Tu trouveras que c'est eux qui ont le plus de rahma. Limadha li'annahum, ils sont à l'al-haq. Et ils connaissent l'al-haq. Et cette connaissance, ça les pousse à avoir de la rahma pour les gens. C'est pour ça qu'ils montrent. C'est pour ça qu'ils mettent en garde contre les égarés. Mimbab rahma pour la communauté. C'est pour ça qu'ils appellent au ma'ruf, ils mettent en garde contre le munkar. Tout ça, mimbab rahma, li'annahum, ils savent. Ils connaissent les conséquences. Amma se taire, comme y pensent certains, c'est pas min al-rahma. Ba'dannas, ils ont une mauvaise compréhension de la miséricorde de la rahma. Il faut te taire, il faut être doux envers les gens. C'est pas ça le rahma. Est-ce que si tu vois ton frère qui avance et il peut tomber dans un fossé, tu le laisses tomber? Est-ce que ça c'est al-rahma? Al-rahma, c'est que tu lui montres. Ya akhi al-karim, intabih. Ya akhi al-karim, ihdhar. Et c'est ça al-rahma, tu veux son bien. Est-ce que c'est min al-rahma de laisser son enfant se diriger maintenant vers un objet brûlant et tu te tais? Là, min al-rahma, c'est que tu fasses attention, que tu le repousses, que tu enlèves cette chose qui peut lui faire du mal. Hakada notre din. Al-rahma, c'est de montrer. Ahl sunnah, c'est arham al-nas bil-khalq wa a'lamuhum bil-haq. Qala Sheikh al-Islam ba'da dhalik, حيث عذره الله ورسوله. أما les choses, les sujets où il y a divergence entre أهل السنة, et la divergence elle est سائرة كما يقولون, et il y a les deux parties, ils ont des أدلة, c'est une divergence de compréhension. ففي هذا الحال أهل السنة يرحمون بعضهم بعضا. Ça fait pas celui qui diverge dans ce point un égaré et tu l'aimes plus فيالله أبدا. أما ceux qui divergent et ils refusent le haq et combattent le haq, fa'haoula, c'est autre chose. Même à haoula, on a de la rahma en mettant en garde contre eux, en s'écartant d'eux. Rahma, plus tu mets en garde contre lui, plus c'est une rahma pour lui. Il acceptera le conseil, il aura égaré moins de personnes grâce à la mise en garde bi'idhnillahi jalla wa ala. فهذا c'est une rahma. لكن أكثر الناس لا يعلمون. قال وأهل البدع يبتدعون بدعة باطلة ويكفرون من خالفهم فيها. Manque de rahma عند أهل البدع. Manque de rahma. Ils appellent à la révolte, à se rebeller contre les gouverneurs. Ça manque de rahma, ça provoque des milliers de morts. Si t'es pas d'accord avec lui, ربما يكفرك. Il te rend kafir. Ça manque de rahma. Un sunni ne dépasse pas les bornes. Un musulman, si c'est un musulman, même s'il n'est pas d'accord avec lui, même si c'est un égaré, il ne le rend pas à kafir. Tant qu'il n'a pas fait une chose qui le rend kafir. Tant que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas jugé ce fi'l que c'est du kufr. Et bien sûr, avec les shurut et les mawani' du takfir qui sont ma'louma indakum. Taqaddamat ma'ana fi sharh nawaqid al-islam. فهذا الدين سدين الرحمة سيصل أصل. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي بعد ذلك قال وهو الذي جذب قلوب من كانوا قبل معرفته ألد أعدائه حتى استظلوا بظله الظليل. كثير من الناس c'était pas des musulmans et quand ils ont compris, quand ils ont su que ce din c'était din الرحمة, ils ont fait des efforts pour connaître le din, l'islam, al-haqiqi, l'islam authentique. Fakatir minhum, et jusqu'à aujourd'hui, wallahi alhamd, ils rentrent dans ce din. Ils savent que c'est un din de rahma, qui appelle au haqq, qui appelle au beau comportement, qui appelle à respecter les liens de parenté, à respecter le voisin, à aimer pour son frère ce que tu aimes pour toi-même. À ne pas mentir, à ne pas voler, à ne pas tuer injustement. Tous ces bons comportements, ça attire celui qui est ala al-fitra et celui qui veut l'haq, il veut participer, il veut ressentir ce bien. قال الشيخ سعدي وهو الذي عطف وحن على أهله حتى صارت الرحمة والعفو والإحسان يتدفق من قلوبهم على أقوالهم وأعمالهم. حتى tu le ressens quand l'iman il rentre dans ce cœur, et surtout si cette personne elle est à la ilm et elle fait des efforts fil ilm, tu vois un changement dans son comportement, dans ses actions, tu vois un changement. Et هذا vous l'avez tous vu, أن أحيانا tu trouves une personne, ربما il avait un mauvais comportement, il était très mal vu, c'est un vaïa. Thumma, il rentre fi din l'islam, wa yastaqim, et tu vois un énorme changement. Il devient doux, il a de la rahma, il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, et tu trouves un énorme changement. C'est quoi ce changement? C'est quoi qui a fait? Rubbama, il est en prison, ça lui a fait aucun effet. Bel, dans beaucoup de cas, ça empire. Rubbama, il a été conseillé, ça a fait aucun effet, il a eu des problèmes. Thumma, avec ce din, il y a un changement total. Pourquoi? Il y en a ce din, ar-rahma. Amma rasalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala al-Sheikh Sa'di, wa takhattahum ila a'da'ih hatta saru min a'zam awliya'ih. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des personnes qui le combattaient au départ, ils sont rentrés dans ce din, ils ont suivi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et c'est devenu des alliés du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. رحمة. قال فمنهم من دخل فيه بحسن بصيرة وقوة وجداء ومنهم من خضع له ورغب في أحكامه وفضلها على أحكام أهل دينه لما فيها من العدل والرحمة. Beaucoup de personnes ils ont choisi ce dîn et ils ont délaissé le leur, alors qu'à la base c'était des chrétiens ou des juifs ou autres. Ils sont entrés dans ce dîn لأنه c'est dîn العدل والرحمة. Et ils ont délaissé leur égarement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il guide qui il veut. Fashkurillah subhanahu wa ta'ala ala hadhi ni'ma. Shkurillah. Hada din, c'est une rahma. Une rahma pour l'ibad et pour l'alamin. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala, Muhammadun Rasulullah, wallazina ma'ahu ashidda'u ala al-kuffari, ruhama'u baynahum. rahma entre frères. Hakada, ils étaient sahaba. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe. Anil Nabi sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ashidda'u ala al-kuffar. Amma envers le kafir, ils avaient de la dureté. Qala wa ruhama'u baynahum. Entre mu'min, ar-rahma. Hakada, ça ne doit pas s'inverser. Ba'd al-juhal al-an, ils ont de la dureté et du mépris envers leurs frères musulmans, et tu le trouves avec le kafir, rahma, walin, warifq. هذا لا يجوز القرآن الكريم ينزع بالبعاء هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد المؤمن للمؤمن كالبنيان في الحديث الآخر المؤمنون سيكم أكور قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى si un membre il a un problème, il est touché par un mal, par une épreuve, c'est tout le corps qui souffre. Hakada al-mu'minin. Si un membre de la communauté il est touché par quelque chose, ça nous touche. Pourquoi? Parce que c'est notre frère. Et on a de la rahma. Une communauté unie, al-haq. Une communauté unie autour du kitab et de la sunna. Al-hadith, il est sahih muslim, Ali al-Nu'man ibn Bashir, radiyallahu anhu. Kedalik al-rahma bi al-juhal wal-ihsan. Ou l'afou envers les ignorants. Les madal, il y en a sept ignorants, ils peuvent faire une chose et il est poussé par son ignorance, il ne sait pas. Si tu lui montres, berifq, avec douceur, avec un bon comportement, dans la plupart des cas, il reviendra. Fafiyad al-Han, on doit avoir de la rahma. Et Akhil Karim, il ne faut pas croire que tout ce que tu sais, toi, les autres, ils le savent. Là, c'est un khata. Al-Nas yatafawatoun fil ilm ou fil amal. Donc, ne crois pas que tout ce que tu connais, les autres, ils le savent. Ce qui est évident pour toi, c'est évident pour les autres. Là, Robama, une chose très simple, tu la connais. Bitawirillahi azzawajal. Et ton frère, il ne la connaît pas. Enfin, montre-lui, berifq. Wa ta'ammal. Hadith Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, fi sahihayn. Qala ja'a a'rabiyun, fabala fi ta'ifatil masjid. A'rabiyun. Il est venu, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-A'rab, c'est ceux qui ne vivaient pas dans la ville avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils vivaient dans les campagnes autour de Médine. Donc, ils n'avaient pas le ilm des compagnons qui étaient toujours avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils assistaient aux cours, ils assistaient à Khutbat al-Jumu'a, ils allaient en voyage avec lui. Ha'oulala, ils venaient de temps en temps. Faja'a a'rabiyun fabal fi ta'ifat al-masjid. Arabiyun, il est venu et il a uriné fil masjid, dans un coin du masjid. Limada, lianna awwalan le masajid à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui avec un tapis de la moquette là. C'était comme dehors, sauf que c'était couvert. Fahoua, il est parti dans un coin de ce masjid et il a uriné. Pour lui, c'était normal. Fazajarahu an-nas. Ceux qui étaient présents, Zajaro, ils lui ont démontré que c'était pas bien, etc. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nahahum. Fanahahum al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Zajaro, peut-être avec de l'énervement, etc. Fan-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nahahum. Falamma qadha bawlahu. Ta'ammalu al-hikma. Ir-rahma. Awalan, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux compagnons qui étaient avec lui, laissez-le. Il a commencé, laissez-le finir. Le mal, il est fait. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a de la rahma pour Hadal Arabi. Enfin, awwalan, laissez-le finir. Il a commencé, le mal, il est fait. Hikma et rahma. Qala, falamma qadha bawlahu amarahu Nabi sallallahu alayhi wa sallam bidhanoubin min ma. Quand il a fini, Nabi sallallahu alayhi wa sallam amara. Il a ordonné à un compagnon de chercher de l'eau et de la verser sur l'urine. Le mal qui a été fait, alhamdoulilah, c'est réglé. Une quantité d'eau sur l'urine, ça va sécher, alhamdoulilah, il n'y a plus rien. Hada awwalan. Thaniyan, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a conseillé ce sahabi. Hada al-Arabi. Il l'a conseillé. Il lui a démontré que le masajid, ce n'est pas fait pour hada. Les masajid, c'est fait pour le salat, c'est fait pour le dhikr, c'est fait pour l'ilm. Et il lui a démontré. فهذا الأعرابي il a levé ses mains et il a fait الدعاء pour le Nabi صلى الله عليه وسلم. هكذا الحكمة هكذا الرحمة هكذا الدعوة على بصيرة. Et c'est un exemple pour nous. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالرحمة بالمساكين. On doit avoir la rahma pour les masakin, pour les pauvres. Ar-rahma pour les orphelins. On va avoir la rahma envers nos parents. Ar-rahma envers nos femmes, envers nos enfants. Ar-rahma hatta ma'al mukhalif. Hatta celui qui fait des erreurs, celui qui s'égare. La rahma, on veut son bien. Elle est mise en garde que Ahl al-ilm ils font contre Ahl al-dhalal wa al-batil. C'est min bab ar-rahma. Ils veulent leur bien. Ils veulent qu'ils reviennent au haqq. لكن بعض الناس يفخن ساكم دو لا ميديزانس كوم دي زاتاك تو سا سي من الجهل سو تير سي با لا سوليوشن لا سوليوشن سي العلم سي مونتري بيان سور افيك حكمه افيك رفق اي كان تي فو الشده الشده شاك شوز ا سا بلاس والله المستعان فاصل ومثال عظيم كي لا سيتي الشيخ سعدي لو كاتريام الرحمه wa al-afu wa al-ihsan. Donc notre din, c'est un din azim qui appelle à ces comportements. قال الشيخ سعدي بعد ذلك المثال الخامس دين الإسلام هو دين الحكمة ودين الفطرة ودين العقل والصلاح والفلاح. Il cite comme cinquième exemple pour démontrer les bienfaits de ce din, أن هذا الدين c'est دين الحكمة. Chaque chose à sa place. دين الفطرة. هذا الدين nous appelle aux choses, aux bonnes choses. Ta fitra, elle accepte هذا الدين. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a autorisé الطيبات, comme on va voir, الحلال. Il nous a interdit les choses qui nous font du mal. À l'adorer seul, عز وجل. À suivre هذا النبي الكريم. À s'écarter de l'injustice, du mensonge, de la médisance, de tout ce qui fait du mal. C'est دين الفطرة. قال ودين العقل والصلاح والفلاح. C'est pour ça que Al-Uqul, Al-Salima, quelqu'un qui a la raison saine, les enseignements de l'islam, il les accepte. Pourquoi? Parce que c'est dit nos salah. Ça va réformer les choses. Quand une chose, elle est faite, c'est là. Fahada din, il la corrige. Wal falah. Et c'est une cause de réussite. Qala yuwaddihu hada al-asl. Ma huwa muhtawin alayhi min al-ahkam al-usuliyya wal-furu'iyya. Ce point, c'est pour ça qu'on va le lire. Il va être détaillé avec tous les points qui vont arriver, tous les exemples qui vont suivre. Chaque ibad, chaque chose que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, c'est min al-hikma. Et al-fitra, elle l'accepte. Et ça fait partie de salah et de falah. C'est pour ça qu'après ce point, Cheikh Sa'di rahimahullah, il va citer des exemples qui vont suivre. Qala, allati taqbaluha al-fitra wal-uqul. وتنقاد لها بوازع الحق والصواب وما هي عليه من الأحكام وحسن الانتظام وأنها صالحة لكل زمان ومكان. Tous les ordres que Allah subhanahu wa ta'ala il a légiféré, que ce soit al-aqaid ou al-a'mal, tout ça, la raison saine elle l'accepte et c'est pour ton bien et c'est valable pour chaque époque et pour tout lieu. هذا الدين il est valable pour toutes les époques et pour chaque lieu. فلا تغتر بدعوة الكفار أن il faut réformer, il faut changer, c'est plus adapté. الكافر il reconnaît pas cette ni'ma. الكافر il veut pas ton bien. الكافر il veut pas rentrer dans ce din. Enfin, pourquoi le réformer? أصلاً il l'accepte pas. Où? لكن c'est pour t'égarer أخي الكريم. Anta, tu dois avoir cette aqida, anna notre din qui est fondé sur le kitab et qui est fondé sur sunna, il est valable pour chaque époque et pour chaque lieu. On n'a pas besoin de faire un islam de France. L'islam de France, ça veut dire que l'islam des autres pays, il est mauvais. Il n'est pas adapté. Là, un islam, c'est l'islam. C'est valable pour chaque pays et pour tout lieu. Fala taqtar wa hadar de ce fikr. Il est khatir diddan. Il contredit les fondements de notre religion. لأن celui qui croit que l'islam il est pas adapté à une époque ou à un lieu يطعن في رب العالمين. Allah subhanahu wa ta'ala من أسمائه c'est الحكيم. Tu déduis صفة الحكمة. Donc ceux qui disent que c'est pas valable, que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de hikmah fi hada. Et son dîn, il n'est pas valable pour telle époque ou tel lieu. Et c'est du kufr billahi jalla wa ala. Comme il a démontré Cheikh Abdelaziz bin Baz, rahimahullah, fina waqid al-islam. Croire que ce dîn, il n'est pas valable pour telle époque ou tel lieu. Fahdharu ayyuhal muslimun. Ce dîn, c'est une ni'mah. Ce dîn, il appelle à tous les biens. Lakin, il faut faire des efforts, fil ilm, pour comprendre ce dîn, comme ils l'ont compris les sahaba, radiyallahu anhu. قال الشيخ سعدي فأخباره كلها حق وصدق لم يأتي ويستحيل أن يأتي علم سابق أو لاحق بما ينقضها أو يكذبها وإنما العلوم الحق كلها تؤازرها وتؤيدها وهي أعظم برهان على صدقها هذا الدين الله سبحانه وتعالى تسكن وزعنفهم سي حق سي صدق c'est pour ça que tu trouves aucune contradiction في القرآن الكريم. Belle, il y a des choses qui sont venues après, ils ont découvert des choses, et Al-Qur'an al-Karim, ou fi sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était cité il y a bien longtemps. Ça montre que هذا الدين, c'est دين ou الحق. قال, وقد حقق المحققون المنصفون أن كل علم نافع ديني أو دنيوي أو سياسي فقد دل عليه القرآن دلالة لا ريب فيها. Chaque ilm nafi' et qui est profitable, que ce soit fi din ou fi dunya, tu trouveras qu'il est cité fi le Qur'an al-Karim. Ça nous montre l'importance de faire des efforts pour étudier hada al-Qur'an. Nous on a un problème l'an, anna kathir min al-nas, ils ont une image de l'islam, c'est une apparence, faqat. C'est pas une étude approfondie, les textes, al-Qur'an, al-Sunnah, la. Ils ont des a priori, ceux qui suivent les médias, et ils pensent que l'islam c'est telle chose. Faqat c'est une apparence, il dit telle chose et c'est ça l'islam. Là, l'islam c'est un din azim. Il est fondé sur des choses. Et il a des sources, le Coran ou le Sunna. Enfin, en étudiant ces sources, tu t'apercevras que c'est un din azim, akthar wa akthar. Et là, on conseille nos frères musulmans, annahum yifoun des efforts fi hada. الأعداء يكمبخ ton دين ليل نهار فأنت fais des efforts pour comprendre et tu verras que c'est des كذابون ceux qui critiquent l'islam كذابون مجرمون كافرون قال فليس في شريعة الإسلام ما تحيله العقول وإنما فيه ما تشهد العقول الزكية بصدقه ونفعه وصلاحه dans notre دين y a pas une chose que un saint d'esprit il a un عقل سليم il rejettera. Al-Tawhid, les gens, ils acceptent. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a autorisé des choses, il nous a interdit des choses. Al-Fitra ou Al-Aql Salim, il accepte ces choses. قال وكذلك أوامره ونواهيه كلها عدل لا ظلم فيها فما أمر بشيء إلا وهو خير خالص أو راجح. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné, c'est du khir. Imma khalis, à 100%, imma rajih. Et ça, c'est important. Et on verra des exemples. Dans ce qu'il va citer après cet exemple chez Sa'di rahimahullah. قال وما نهى إلا عن الشر الخالص أو الذي مفسدته تزيد على مصلحته. Et Allah, tout ce qui nous a interdit, imma c'est du mal à 100%, imma le mal il est beaucoup plus grand que le bien. Que ça soit l'alcool, que ça soit les drogues, que ça soit le mensonge, tout ça, que ça soit l'usure, riba, tout ça, c'est il y a un grand mal. قال وكلما تدبر اللبيب أحكامه ازداد إيمانا بهذا الأصل أو علم أنه تنزيل من حكيم حميد. Et celui qui fait des efforts et qui médite et qui étudie avec علم et sincérité et il veut le haq, il se rendra compte que هذا الدين il appelle pour خير et il met en garde contre الشر. Et les prochains exemples qu'on va lire, Cheikh Sa'di rahimahullah, il va développer le cinquième exemple. Al-An, il va commencer à citer des ibadat pour te montrer que ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, c'est un bien. Il va citer plusieurs ibadat jusqu'à la fin du livre. Incha'Allah, on détaillera dans le prochain dars. Wa nas'Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa s-sadad wa l-ikhlas wa alhamdulillahi rabbil alamin.